Je me rappelle si t'es pas à côté. Aujourd'hui j'ai un peu de buzz, pas sur 12 capés. Faut que je mette des sous de côté, parce que demain je sais que tout ça peut s'arrêter. Tous les jours c'est la même, à la recherche des loges, je connais pas la gaieté. Tous les jours c'est la merde, à 11h30 je suis capuché dans le ghetto. Ghetto yo depuis la Nintendo, je suis dans une auto et j'ai les vis teintées. Tourne à droite, j'ai vu les gyros, c'est pour nous, j'ai pas envie de me faire péter. Non, je suis pas pressé, percé, y'a de la frappe de bête dans le pays, van percé. Si on joue, c'est pour gagner, si on perd, on va pas partir d'ici. Toute ma vie, moi je vais pas rapper, 1 million ou 2, je me casse d'ici. Toute l'année, des frères recherchés, même pas la trentaine, j'ai la calvitie. Toute ma vie, moi je vais pas rapper, 1 million ou 2, je me casse d'ici. Toute l'année, des frères recherchés, même pas la trentaine, j'ai la calvitie. C'est la folie, c'est la folie. Je vois les petits qui sont en 2 roues 104 qui narguent la folie. D'autres qui rentrent en tôle, d'autres qui vendent la queue comme à Napoli. C'est la folie, c'est la folie. Millions de vues sur YouTube, j'ai fait mon trou en même pas 3 tubes. Je donne tout à ma mère, parce qu'une daronne on en a que. Solo dans le noir, j'écris ça éclairé par la lune. J'avais un petit brin d'espoir, donc dans la musique j'ai claqué toute ma thune. Y'a pas de vrai poteau dans la vie, ça fait tout si tu veux mon avis. Sur mon dos j'pourrais porter ma ville. Ma vie est-ce que quelqu'un la veut? Je me souviens du Yankee de la veille, il tremblait un peu, il voulait de la beuh. Je me voyais finir avec elle, j'ai fini tout seul, j'ai picolé un peu. Toute ma vie moi je pas rappeler, 1 million ou 2, je me casse ici. Toute l'année des frères recherchés, même pas la trentaine, j'ai la calvitie. Toute ma vie moi je pas rappeler, 1 million ou 2, je me casse d'ici. Toute l'année des frères recherchés, même pas la trentaine, j'ai la calvitie. C'est la folie, c'est la folie. Je vois les petits qui zonent en 2 roues 104 qui narguent la folie. D'autres qui rentrent en tôle, d'autres qui vendent la queue comme à Napoli. C'est la folie, c'est la folie, c'est la folie, c'est la folie. Je vois les petits qui zonent en 2 roues 104 qui narguent la folie. D'autres qui rentrent en tôle, d'autres qui vendent la queue comme à Napoli. C'est la folie, c'est la folie. Je laisse le bolide, oh ma jolie. Comme dans le bolide, oh oui, c'est la folie. Je laisse le bolide, oh ma jolie. Comme dans le bolide, c'est la folie.